y a 200 ans, l'Académie des sciences tranchait un débat qui divisait depuis près d'un siècle et demi les physiciens européens sur la nature exacte de la lumière. Corpusculaire depuis les travaux de Newton qui avaient éclipsé ceux de Huygens qui penchaient pour une nature ondulatoire, ce sont les expériences d'Augustin Fresnel qui finirent par convaincre les académiciens et donnèrent naissance à la première théorie ondulatoire de la lumière. Mais c'était avant la mécanique quantique et la compréhension de la nature duale à la fois onde et corpuscule, non seulement de la lumière, mais aussi de la matière. C'est l'histoire de la compréhension de cette dualité que nous allons vous conter aujourd'hui. Lumière, ondule ton corpuscule, c'est le programme dual qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Un titre scandaleux de plus, on n'en est plus à un près. J'espère que ça ne va pas choquer mes deux invités qui sont venus pour nous raconter cette histoire et nous aider à comprendre comment la physique a progressé dans sa compréhension donc de la nature de la lumière. Bonjour Michel Leduc. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes physicienne, directrice de recherche émérite au CNRS et membre du laboratoire Kastler-Brossel de l'École normale supérieure. Et nous sommes en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Nord avec Bernard Metz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien, professeur émérite d'histoire des sciences et d'épistémologie à l'Université de Lille, auteur d'une histoire de la lumière de Platon au photon, c'est aux éditions du Seuil. Mais avant de plonger dans cette très très belle controverse scientifique, nous restons encore quelques minutes dans le présent de l'actualité scientifique pour le Journal des sciences avec Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal des sciences avec une annonce qui a été très relayée par les médias depuis le début de la semaine. La compagnie pharmaceutique Biogen veut mettre en vente l'aducanumab. C'est un nouveau traitement pour lutter contre la maladie d'Alzheimer. Et dans la presse, on peut lire un médicament miraculeux ou le médicament révolutionnaire. Ce qui est assez surprenant, car en mars dernier, Biogen a annoncé l'arrêt des essais thérapeutiques de ce médicament suite à une succession de résultats négatifs. Pourquoi donc une telle résurrection? La compagnie a réexaminé les données de ses anciennes études et a fait l'analyse d'un sous-groupe de sujets. Sur les 1600 patients, une partie a reçu des quantités plus fortes d'aducanumab et chez ces patients, il y aurait eu des bénéfices cliniques. Le médicament aurait ralenti le déclin des capacités cognitives avec une amélioration de l'ordre de 27%. Biogen affirme donc que son traitement est efficace à plus forte dose et s'il est pris tôt dans l'évolution de la maladie. Mais la société n'a pas publié ses dernières analyses et la communauté scientifique reste sceptique. Marie Sarrazin est neurologue clinicienne à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Elle dirige l'unité de la mémoire et du langage. D'abord, c'est pas un médicament qui guérit, c'est un médicament qui a ce qu'on appelle un anticorps monoclonal, dont l'objectif c'est de lutter contre l'accumulation d'une protéine qui est la protéine amyloïde et qui est une des facettes qui explique la maladie, mais pas la seule. Hein. Il y a d'autres protéines, il y a d'autres molécules. Et donc, ce que semble apporter la molécule, c'est que ça réduit la progression de l'évolution clinique de la maladie. Là, la molécule n'apporte pas une guérison, ça ne stabilise pas, ça permettrait de ralentir en fait la progression. Nous, on sait qu'il faut être prudent parce que les analyses secondaires comme ça, qui sont faites ensuite, a posteriori, il faut être prudent, elles n'ont pas la même valeur que quand on analyse directement les données dont on avait mis l'hypothèse principale. Et quand on analyse ensuite les sous-groupes après l'étude, on peut le faire sur les plans scientifiques, mais ça n'a pas du tout la même valeur sur le plan méthodologique. Ça n'a une valeur qu'informative. C'est-à-dire que ça peut dire que si l'essai est négatif et qu'on analyse un sous-groupe, on dit « Ah oui, mais dans ce sous-groupe de sujets-là, la molécule semble être efficace », eh bien, il faut le démontrer dans une seconde étude. Ça ne suffit pas en soi pour conclure. C'est une source d'espoir. Hein. Moi, je pense qu'il faut quand même, on aimerait hein, que ça soit confirmé, mais qu'il faut être prudent tant qu'on n'a pas les informations précises de l'étude, que c'est pas publié et qu'on n'a pas l'ensemble des informations. Parce que là, c'est vraiment l'information donnée par l'industriel et qui est discordante avec celle qu'il nous avait fournie en mars dernier. Et on passe au bref. Hier, dans la revue Nature, un élément lourd du strontium a été détecté pour la première fois lors d'une fusion d'étoiles à neutrons. Une équipe internationale a examiné les observations du très grand télescope de l'Observatoire européen austral du Chili. Après l'analyse des spectres d'une kilonova, c'est ce qui se produit après une fusion de deux étoiles à neutrons, ils ont détecté du strontium, l'élément chimique de numéro atomique 38. Jusqu'à présent, on pensait que la nucléosynthèse de cet élément ne pouvait être produite que par des supernovas. Cette étude confirme l'hypothèse que les éléments les plus lourds de l'univers peuvent aussi se former lors de la fusion d'étoiles ordinaires. Selon The British Medical Journal, les médecins peuvent tenter de sauver les grands prématurés nés à 22 semaines. Mais auparavant, il était recommandé de ne traiter que les bébés nés à partir de 23 semaines. Mais selon les nouvelles directives de l'Association britannique de médecine périnatale, les grands prématurés peuvent survivre. Les chances de survie restent faibles, 7 bébés sur 10 nés à ce stade décèdent. Mais les progrès de la médecine, l'utilisation de stéroïdes et la mise en place d'unités spécialisées peuvent sauver un tiers de ces grands prématurés. Et selon une étude parue cette fois dans Nature, les traces d'une ancienne vie microbienne ont été retrouvées dans le plus grand cratère météorique d'Europe. Le cratère suédois Siljan s'est formé il y a environ 375 millions d'années. Les chercheurs de l'université de Linnaeus ont fait l'analyse de forages rocheux. Ils contiennent de minuscules cristaux de carbonate et de sulfure de calcium, le signe d'une activité microbienne. Ils ont ensuite utilisé des techniques de datation par radioisotopes. Ces cristaux se sont formés entre 80 et 22 millions d'années et des bactéries auraient prospéré là pendant 300 millions d'années. L'étude suggère que si la vie existe sur d'autres planètes, elle peut être déclenchée par des impacts de météorites car ils favorisent la colonisation bactérienne. Merci beaucoup Natacha. Toutes les études, une fois de plus, qui sont citées dans le Journal des Sciences, vous pouvez les retrouver sur notre fil Twitter @laméthodefc avec les liens vers les publications originales. Et puis demain, eh bien comme tous les vendredis, ce sera le grand Journal des Sciences de la semaine. Demain. Mais on va revenir aujourd'hui à notre sujet du jour, un vaste sujet. Qu'est-ce que la lumière? C'est peut-être, avec la notion de vide, l'une des interrogations qui a le plus agité l'esprit des physiciens de l'Antiquité jusqu'au présent. Le début de la controverse moderne naîtra avec Newton et les travaux de Huygens, balayés d'un revers de main par l'irascible maître britannique. Onde, corpuscule, ce qu'il y a de passionnant dans ce débat. Attention, je vous annonce un peu la fin, on va dire spoilers comme pour les séries. C'est qu'il ne se conclut pas par le triomphe d'un camp sur l'autre, mais au contraire par l'extension de cette dualité de la lumière à l'ensemble de la matière, notamment grâce aux travaux de Louis de Broglie, dont nous avons retrouvé une archive. Écoutez la voix du grand physicien. Nous sommes en 1956 sur la radiodiffusion française. Dans quelles circonstances, monsieur le professeur, avez-vous découvert la mécanique ondulatoire? Au cours du développement de la théorie des quanta, Einstein s'était aperçu que pour expliquer les propriétés du rayonnement, il était nécessaire, d'accord avec les idées de Planck, de supposer que dans le rayonnement, il y a des concentrations d'énergie, des sortes de corpuscules d'énergie, qu'il avait appelées quanta de lumière, et que nous appelons aujourd'hui photons. D'autre part, on savait bien que les propriétés de la lumière s'expliquent par des théories ondulatoires, dans lesquelles on compare la lumière à une propagation d'onde. Alors, il y avait là une très grande difficulté. Comment concilier la représentation corpusculaire des quanta de lumière d'Einstein avec la représentation des ondes lumineuses? Cette question, je la connaissais très bien. Je l'avais étudiée avant même de faire mon service militaire, quand je faisais mes études de licence et sciences. Après la fin de la guerre de 1914, quand je me suis remis à étudier ces questions, j'ai essayé de comprendre quelle pouvait être l'origine de ces difficultés et d'en donner une interprétation. En particulier, j'avais beaucoup réfléchi à une théorie de la mécanique analytique classique qu'on appelle théorie d'Hamilton-Jacobi et qui permet d'établir un parallélisme entre le mouvement des corpuscules ou des points matériels dans un champ et la propagation d'une onde. Ce parallélisme me paraissait avoir des rapports étroits avec la difficulté que l'on rencontrait dans la physique. Voilà la voix de Louis de Broglie sur la mécanique ondulatoire dans la Tribune du Progrès sur la radiodiffusion française, donc en 1956. Une réaction peut-être, Bernard Mette, à cette... c'est toujours intéressant d'entendre. Fait toujours plaisir de réentendre la voix de Louis de Broglie, d'une part, et puis d'autre part, il ne faut pas oublier que ces travaux qui lui ont valu le prix Nobel, et l'extension de la dualité, comme vous le disiez, de la lumière à la matière, avait initialement été appelée la symphonie française. française par dérision parce que Louis de Broglie jouait de l'orgue. Et on a essayé immédiatement de démontrer la fausseté de sa théorie et en essayant de démontrer la fausseté, on a réussi, Davison et Germer, à faire diffracter l'électron. Donc Louis de Broglie avait bien raison. Voilà. Michel Leduc, une réaction à cette archivée, à cette voix de Louis de Broglie. La voix est très émouvante. Et ceci me fait penser que, puisqu'on va parler de Fresnel, Fresnel est né à de Broglie, à Broglie. Fresnel est né à Broglie, dans le château. Ses parents étaient intendants au château de Broglie. Et donc, il y a une coïncidence intéressante et amusante entre de Broglie et de Broglie, et puis Fresnel et sa vie au château de Broglie. Oui. Des petits nœuds amusants de l'histoire, peut-être Tout à fait. Et bien sûr, si Bernard Mette, allez-y, bien sûr. Quelque chose sur Michel Leduc, c'est de dire que Louis de Broglie avait toujours un portrait de Fresnel sur son bureau en disant « Toi au moins, tu me comprendrais ». Alors, on va donc discuter et examiner avec vous comment on a compris petit à petit, étape par étape, progressivement, la nature de cette lumière, la dualité, onde corpuscule, de la lumière puis de la matière. Et peut-être en préambule pour les auditeurs, en préparant cette émission, je trouve qu'il y a une façon assez simple de comprendre cela aujourd'hui avec des instruments et une image assez simple. Peut-être que vous pouvez la commenter, Bernard Mette. C'est la projection de l'onde d'un cylindre sur deux parois perpendiculaires. Alors, écoutez, moi, je suis pour dépasser un petit peu cette notion de dualité onde-corpuscule. Donc, je vais prendre une autre image, si vous voulez bien. Je vous en prie. Parce que une particule, c'est quelque chose que l'on peut compter et que l'on peut localiser. Une onde, c'est quelque chose qui s'étend à l'infini et que on ne peut pas compter. Donc, un photon ou une particule quantique, c'est quelque chose que l'on peut compter et qui est illimité en extension. Donc, ce n'est ni une onde, ni un corpuscule. Si je puis prendre une autre image que celle du cylindre, j'aurais plutôt l'image de l'ornithorynque. C'est un animal australien qui a un bec de canard et une queue de castor. Eh bien, ce n'est ni un castor, ni un canard. C'est un ornithorynque. Et donc, je serais plutôt pour que ce soit plus facile pour les étudiants de dire que les particules quantiques, les quantons, comme on peut les appeler, ne sont ni ondes ni corpuscules. Ils ont des aspects ondulatoires et des aspects corpusculaires. Ils sont donc ornithorynques. Vous validez cette image de l'ornithorynque, Michel Leduc ? Si vous voulez, c'est amusant. Ce que je peux dire, c'est que quand on est un expérimentateur, selon le type d'expérience qu'on fait, on fait appel soit à la notion de photon et de corpuscule, soit à la notion d'onde. Et l'une ou l'autre peut servir à expliquer l'expérience. Et il y a même des expériences où les deux sont utilisés en même temps. On pourra en parler plus tard, oui. Tout à fait. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15 sur France Culture, nous parlons donc de la théorie ondulatoire, de la lumière, en compagnie de Michel Leduc et de Bernard Mette qui est avec nous en duplex depuis les studios de France Bleu à Lille. Peut-être un mot, Bernard Mette, très rapidement pour parcourir un peu bien tout ce qui va arriver avant Newton. Comment est-ce qu'on comprend, quelles sont les premières traces dans la littérature scientifique antique de la compréhension de la nature de la lumière? Eh bien, il n'y a aucune trace dans la littérature antique, pour la bonne raison que les écoles de pensée grecque ne se sont jamais souciées de ce qu'est la lumière. Ils sont intéressés à la vision, à la manière dont on voyait. Alors, il fallait de la lumière et puis un œil et puis quelque chose entre les deux. Mais ils ne se sont jamais intéressés à la lumière pour elle-même. Et c'est seulement avec Archimède et la légende de l'inflammation des bateaux au large de Syracuse, c'est avec les premiers grands penseurs des pays d'islam qu'on arrive à s'intéresser à la lumière pour savoir comment elle brûle après des sphères ardentes. Et en fait, le premier qui s'intéresse vraiment dans l'état actuel de nos connaissances à ce qu'est la lumière, c'est un arabe qui vit au Caire et qui s'appelle Ibn al-Haytham. Il est connu en Occident sous le nom d'Alazène. Et Et en l'an 1000, il publie un traité de la lumière dans lequel, dans l'introduction, il met au point la méthode expérimentale. Et il nous dit, bien la lumière brûle, la lumière fait mal aux yeux, la lumière se propage, il précise toutes les propriétés de la lumière, et il va représenter cette lumière par des corpuscules émis par le soleil qui rebondissent, qui se réfractent et qui arrivent à l'œil. Donc première théorie corpusculaire de la lumière en pays d'islam vers l'an 1000, et cette théorie passe dans l'univers latin. Jean Nemung, dans son roman de la Rose, en parle, mais dans le pays latin à cette époque-là, les centres de savoir ce sont les monastères, et tout l'effort des intellectuels est de mettre en concordance la foi et la raison. Et c'est dans ce contexte qu'au XIIIe siècle, un évêque de Lisieux, qui est aussi d'Oxford, Robert Grosstedt, va résoudre des contradictions qu'il y a dans la Bible. Dieu sépara la lumière des ténèbres le premier jour, il crée les luminaires le quatrième jour. Imaginez que Dieu a créé un point de lumière le premier jour qui s'étend, qui se rétracte, qui s'étend, qui se rétracte, et la quatrième rétractation, eh bien, il crée les luminaires et la lumière après avoir étendu l'espace et la lumière. Et le monde est plein pour lui, et donc la lumière ne peut pas être corpusculaire, et elle est ondulatoire. C'est voilà. La première théorie ondulatoire de la lumière, 13e siècle, et à partir de là, il va y avoir une grosse bagarre entre est-ce que l'espace est vide et la lumière corpusculaire, et est-ce que l'espace est plein, empli de l'éther, comme disait Aristote, et à ce moment-là, des vagues, des ondes, et on va avoir ce débat qui va durer depuis le XIIIe siècle jusque Christian Huygens, vous l'avez bien dit. Michel Leduc. Oui, juste pour compléter ce que vient de dire mon collègue, un petit peu avant, dans l'Antiquité, on n'avait pas l'idée que les rayons lumineux se propageaient d'un objet vers l'œil. Et c'était le contraire, on pensait que les rayons, si tant est qu'on parlait de rayons, partait de l'œil et allait vers l'objet. Donc, il y a eu un complet bouleversement, justement, à l'époque du Moyen-Âge. Bernard Metz. D'ailleurs, dans l'Antiquité, il y avait deux théories contradictoires, où les objets envoyaient des écorces vers l'œil, ou, comme l'a bien dit Michel Leduc, notre feu intérieur arrivait sur les objets. D'ailleurs, on sent les regards se poser sur notre nuque, les yeux brillent, et donc il y avait un feu intérieur, un rayon visuel, et Euclide a écrit une optique de rayons visuels qui partent de l'œil et qui vont vers l'objet. Il y a un autre débat par ailleurs, Bernard Metz, hein, entre justement ce que vous évoquez, c'est-à-dire le corpuscule et l'ondulatoire, même si c'est évidemment un peu anachronique d'en parler pour la période médiévale, mais il y a un autre débat dont va se servir Descartes d'ailleurs, qui est à savoir si la vitesse, si la lumière a une vitesse ou si elle est instantanée. Oui, alors effectivement, Descartes veut déterminer si la lumière a une vitesse ou si elle est instantanée, et pour ça raisonne sur les éclipses de lune, en disant que lorsque il y a une éclipse de lune, Terre, Soleil et Lune sont alignés. Et il remarque qu'on ne voit jamais un décalage entre Terre, Soleil et Lune, alors que si la lumière prend du temps à son passage, eh bien, elle va évidemment de la Terre à la Lune et elle revient de la Lune à la Terre. Donc on devrait avoir un décalage. Et il en conclut que la lumière ne prend pas de temps à son passage, que c'est un contact immédiat dans l'éther, et que l'on voit un peu comme un aveugle prend conscience des objets par son bâton. Il va être vite affirmé, la constante C va apparaître assez rapidement dans les équations physiques. Peut-être qu'on peut dire un mot de l'apparition de cette notion de vitesse de la lumière, Michel Leduc. Ah bien, ça c'est le disciple de Descartes, Christian Huygens, qui démontre que ce que la démonstration de Huygens ne veut absolument rien dire, parce que il suffit que la lumière mettent une minute pour aller de la Terre à la Lune, vitesse invraisemblable, dit Huygens, pour que l'on ne puisse pas observer le décalage sur lequel Descartes s'appuie. Et donc Huygens va dire, eh bien la lumière se propage et c'est une onde. Et juste à cette époque, il y a Römer qui arrive à mesurer en regardant les perturbations avec lesquelles on observe les satellites de Jupiter, arrive à mesurer la vitesse de la lumière et il trouve quelque chose comme 250 000 km à la seconde, ce qui est extraordinaire. Oui. Compte tenu des moyens. C'est encore imprécis, mais on va pouvoir refuser toutes les hypothèses qui font de la lumière un contact. Donc la lumière se propage et on va bien vite voir que c'est aux environs de 300 000 km à la seconde. C'est ça, c'était une approximation effectivement très forte compte tenu des moyens de mesure de cette époque. Peut-être que, bien justement, comme Bernard Metz vient d'évoquer déjà, en anticipant un peu les premiers travaux de Huygens, peut-être peut-on dire un mot, Michel Leduc, bien de ceux qui est du premier jalon qui va d'ailleurs dominer tout le débat pendant plusieurs dizaines d'années, c'est les travaux de Newton dès 1672 et sa découverte de la décomposition de la lumière blanche. Oui, oui, je voudrais quand même rappeler juste un peu avant ça que les théories et les expériences les plus classiques sur l'histoire de la lumière ont démarré avec la lunette de Galilée. Donc il faudrait quand même pas oublier qu'avant la lunette de Galilée, les expériences étaient quand même très rudimentaires. Et ceci a précédé les travaux de Newton. Et avant Newton, il y a eu aussi Kepler qu'il faudrait rappeler, parce que avec son remarquable ouvrage, il a fait beaucoup de choses, mais son remarquable ouvrage dioptrique qui date de 1610, il a considéré que l'œil qui recevait les rayons lumineux était comme un appareil d'optique et que les images se formaient à l'envers sur le fond de l'œil. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudrait mentionner. Sur les premiers travaux, voilà, des jalons préliminaires pour arriver très important à Newton. Mais Newton, si vous voulez, Newton, c'est un très grand savant qui n'a pas fait que de l'optique, hein, mais il était, comme vous savez, il était à la fois théologien, physicien, mathématicien, il faisait beaucoup de choses. Si vous voulez tout savoir sur Newton, d'ailleurs, on va vous mettre le lien vers l'émission que vous y avez consacré une heure entière pour les apports scientifiques de Newton. Formidable, la gravitation, évidemment. Évidemment. Et donc, mais il était très passionné lui-même par l'optique et il faisait des petites expériences dans son cabinet. Il faisait entrer la lumière du soleil par un trou dans son cabinet et il les faisait passer dans des prismes. Et c'est comme ça qu'il a décomposé la lumière et on voyait toutes les couleurs du prisme. Et il faisait des expériences comme ça. Il faisait même le contraire. Il les faisait se recombiner pour refaire de la lumière blanche à partir de prismes, en les faisant passer dans un prisme à l'envers. Donc, il a eu énormément d'intuition sur la lumière à partir de ses expériences avec le prisme. Il avait donc une conception mécanique de la lumière qui allait bien avec les idées qu'il avait sur les corps célestes et la mécanique des corps célestes. Et donc il disait, alors je lis ça dans Optique, sa question 29, ce livre est fait de questions, les rayons de lumière ne sont-ce pas de fort petits corpuscules élancés ou poussés hors des corps lumineux? Et cette théorie explique la propagation lumineuse et la réflexion sur un plan. Ce qui est tout de même paradoxal, Bernard Metz, c'est que Newton va inférer cette théorie corpusculaire à partir de la diffraction de la lumière, dont on sait aujourd'hui qu'elle est précisément la manifestation de sa nature ondulatoire. Alors, non, pas tout à fait quand même. Ah, parce que, non, je ne crois pas. Il n'a pas. Attendez, pas en même temps. C'est-à-dire que Michel Leduc l'a bien dit, les premières expériences de Newton, c'est sur le prisme. D'accord. Il va interpréter ces expériences du prisme comme des déviations de petites billes, plus ou moins massives ou allant plus ou moins vite, par une même force aux abords du prisme. Donc, théorie corpusculaire de la lumière. Et puis, ensuite, en travaillant plus sur la lumière, il va s'apercevoir, qu'il peut expliquer la réflexion, la réfraction. D'ailleurs, il explique la réfraction en disant que la lumière va plus vite dans le verre que dans l'air. Et ça, c'est une conséquence qui va avoir beaucoup d'importance par la suite. Donc, plus vite dans le verre que dans l'air. Et en continuant ses expériences, eh bien, il va voir, effectivement, il va essayer de vérifier là ce que dit Grimaldi avant lui, 1666, qui découvre la diffraction de la lumière et qui l'explique par une théorie un peu ondulatoire. Et Newton va observer cette diffraction, nous donner des mesures qui montrent qu'il a fait des expériences extrêmement précises là-dessus, et puis il va échouer à l'expliquer par une théorie corpusculaire seule. Et d'autre part, il y a quelque chose qui va l'embêter énormément, sont les bulles de savon. Ah. Et il observe une merveilleuse périodicité, dit-il, écrit-il, dans les bulles de savon, dans les couleurs de bulles de savon. Il les relie avec l'épaisseur. Mais comment expliquer qu'il y ait cette périodicité dans des lames minces? Eh bien là, là encore, Newton ne va pas expliquer ceci par une théorie seulement corpusculaire. Donc il va être obligé, pour la diffraction et pour la théorie corpusculaire, les bulles de savon, d'introduire des ondes qui vont se propager encore plus vite que les corpuscules qu'il imagine. Alors ça devient absolument contradictoire. Il se perd dans ses hypothèses et pour ma part, je crois que c'est un peu la cause de la publication tardive de son optique, 1703. Ses contradicteurs potentiels, Huygens et Hooke, sont morts juste avant et donc il ne pouvait plus avoir de critique. Vous savez que Newton ne supportait pas la critique. Bien sûr. Oui, mais je voudrais quand même dire que si on lit bien la fin de l'optique dans les questions, il y a quand même des paroles assez modestes. Il dit « Je ne mélange pas les conjectures avec les certitudes ». Et ça, c'est quand même une très belle parole pour un grand savant. Bernard Metz. Tout à fait. D'ailleurs, tout son le troisième livre de l'optique est sous forme de questions parce qu'il se pose des questions et il n'affirme plus, étant donné qu'il ne peut plus affirmer une théorie seule corpusculaire. Alors justement, avant cette optique de Newton, il y a les travaux de Huygens, mais paradoxalement, et alors je vais reformuler un peu mon observation de tout à l'heure, Bernard Metz, c'est que effectivement ce que la physique et ce que l'histoire va retenir de l'optique de Newton, c'est donc la nature corpusculaire de la lumière, là où les travaux de Huygens allaient plutôt dans le sens d'une théorie ondulatoire, mais vont être complètement passés sous silence, ou en tout cas écrasés par l'héritage de Newton ou par l'apport de Newton. Oui, de toute façon, Huygens a très peu travaillé sur la lumière, et a fait qu'un petit opuscule traité de la lumière, dans lequel il explique la réflexion, la réfraction par des ondes, il explique les lois de Descartes par des propagations d'ondes qui vont plus lentement dans le verre que dans l'air, vous voyez, exactement le contraire de ce que affirme Newton, et d'autre part, il observe la biréfringence de la calcite. Les cristaux sont biréfringents, c'est-à-dire qu'il y a deux déviations de rayons réfractés, et il l'explique absolument parfaitement dans la calcite, et il relie cette propriété de la calcite aux formes de la calcite, aux propriétés physiques de la calcite. Il donne une structure de la calcite, et ça, Newton ne le supporte pas beaucoup, parce que dans son livre 3 de l'optique, eh bien, il dit « Monsieur Huygens nous donne une curieuse définition de la double réfraction, mais j'ai refait les mesures et il a faux, donc c'est à tort qu'il peut expliquer puisqu'il a faux dans ses mesures. » Et on va mettre 100 ans pour vérifier cette affirmation, tellement la pression de Newton et le fait qu'il ait expliqué la gravitation universelle entraîne la conviction. Et 100 ans après, en 1802, on va s'apercevoir que Huygens a raison sur les mesures et que pour une fois, Newton donne des mesures fausses à 2 degrés près, ce qui est énorme, lui qui fait des mesures à 10 minutes de degrés près. When Lights Are Low de Miles Davis à 16h30 sur France Culture, puisque c'est de lumière dont il est question tout au long de cette heure et de la compréhension de sa nature ondulatoire et corpusculaire. Nous en parlons avec Michèle Leduc, qui est physicienne, directrice de recherche émérite au CNRS, et avec Bernard Maître, qui est avec nous en duplex depuis les studios de France Bleu Nord, physicien, professeur émérite d'histoire des sciences et d'épistémologie à l'université de Lille. Alors, on s'est arrêté avec ce suspense presque insoutenable d'un siècle d'attente. Vous le disiez, Bernard Maître, un siècle pour que, eh bien, ce soit un physicien, un tout jeune physicien britannique, hein, et qui va faire une expérience, Michèle Leduc, qui va d'un seul coup mettre à mal, va mettre un premier coin en tout cas dans la théorie newtonienne. Je pense que vous parlez de Thomas Young. Absolument. Oui. Alors Thomas Young a remis au goût du jour les idées d'Huygens sur les ondes qui étaient un petit peu passées sous le tapis, hein, à cause de l'influence de Newton. Et en fait, c'était un acousticien. Enfin, il travaillait sur les ondes sonores et il avait constaté qu'on pouvait faire battre des ondes sonores de hauteurs différentes et qu'on obtenait des interférences de sons, que les ondes pouvaient à la fois se renforcer et aussi se détruire. Parce que avec la théorie corpusculaire de Newton, on n'arrivait pas à comprendre comment, quand deux faisceaux se croisent, qu'est-ce qui se passe, hein, qu'ils puissent se renforcer ou se détruire. Alors ça, c'était quand même très fort, cette idée de sur les ondes de Young. Et il a fait, par analogie, des expériences avec la lumière, en faisant passer une onde lumineuse est issue d'un point lumineux à travers deux trous. Ce sont les fameuses expériences des ondes lumineuses qui interfèrent. Des fentes de Young. Fentes de Young, ou voilà. les trous de Young. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous décrire précisément cette expérience, Bernard Maître, et pourquoi elle est vraiment importante? Oui, alors c'est tout simple. Young avait commencé à travailler, comme l'a dit Michèle Leduc, sur le son. C'est un médecin et c'est lui qui a trouvé la composition de l'oreille, par exemple, dans sa thèse. Et il s'est posé donc, comme Michèle Leduc l'a bien dit, le problème des ondes. Est-ce que la lumière a un comportement d'onde? Et pour cela, eh bien, il a pensé que on pouvait faire des rondes en l'eau. Et il les a fait en mettant une petite plaquette et deux trous dans la plaquette. Et de l'autre côté de la plaquette, il a vu que les ronds dans l'eau, eh bien, se combinaient et donnaient des figures un petit peu complexes. Donc, il a étendu ça et puis il a mis de la lumière, une petite plaquette, deux trous. Et de l'autre côté donc de la plaquette, il y a deux faisceaux qui sortent des deux trous et qui se rencontrent. À l'endroit où ça se rencontre, si Newton a raison, de la lumière plus de la lumière, ça doit faire plus de lumière. Et si Huygens a raison, eh bien, il y a une onde plus une onde qui peut se renforcer ou ne pas se renforcer. Il fait l'expérience et il voit que dans la zone où se rencontrent deux faisceaux lumineux, il a des franges noires et colorées. Donc de la lumière plus de la lumière peut donner de l'obscurité. Newton a tort. Et il va tout fier, lui qui ne connaît rien aux maths, expliquer ça à la Royal Society. Il se fait très très mal recevoir, il insiste pendant 3 ou 4 ans et puis il abandonne la physique. Et alors que le secrétaire général de la Royal Society a exigé qu'on mette les insultes qu'il profère à Young au compte-rendu, ce qui attire l'attention en France d'Arago. Alors on va arriver à Arago, juste pour nos auditeurs, dire que si vous voulez visualiser cette expérience des fentes de Young, on vient de vous mettre un lien sur le fil Twitter de l'émission @lamedonfc, comme ça vous pouvez avoir après l'excellente description de Bernard Maître, ajouter de l'image si vous voulez visualiser ça. Peut-être un mot justement pour dire que côté français, en parallèle, mais sans contact, hein, sans connaissance des travaux de Young, pour le coup, je disais Young tout jeune, non c'est pas Young qui était tout jeune, c'est Fresnel qui est tout jeune quand il commence ses travaux justement et qui va commencer lui à vouloir s'attaquer à cet édifice newtonien. Alors, Fresnel a eu une destinée assez curieuse parce que c'était un ingénieur polytechnicien très très brillant, entré à Polytechnique à 16 ans et qui est sorti dans le comme ingénieur des ponts et chaussées et qui construisait des ponts et des routes, des phares, etc. Et malgré tout, il était passionné par l'optique et il avait été pris sous la coupe d'Arago, qui était son professeur, et qui lui a laissé la possibilité d'utiliser son laboratoire pour faire quelques expériences à l'école polytechnique. Mais il faut bien voir que Fresnel était surtout un mathématicien, et c'est surtout par des calculs mathématiques, par addition des fronts d'onde, qu'il a réussi à interpréter complètement les expériences de Jung. Mais ils se connaissaient, hein, Jung et Fresnel. Je ne sais pas s'ils se sont vus vraiment, mais ils correspondaient. Des lettres et des échanges entre les deux, et ils tiraient dans le même sens. Bernard Metz. Ils ont correspondu très tardivement parce que Fresnel ne connaissait pas du tout l'anglais et n'avait rien lu, effectivement. Donc ils ont communiqué, mais très tardivement, vers les années 1820. Ce qu'il faut noter, c'est que Fresnel avait été reçu en mauvaise position à Polytechnique, tout simplement parce qu'il avait un professeur de physique à Zonfras qui était très mauvais. Et Fresnel avait commencé par apprendre la lumière chez les oratoriens à Caen, qui lui avait enseigné la théorie de Huygens. Et quand on lui a enseigné de façon très mauvaise la théorie de Newton à Polytechnique, il a conclu qu'il ne comprenait rien et que Newton radotait. Donc ensuite... Ce qui était la preuve d'une certaine force de caractère. Dans la Drôme, il a fait énormément de petites manips en regardant l'ombre d'un cheveu pour essayer de montrer que M. Descartes et M. Huygens avait raison. Et non seulement il était un excellent calculateur, vient de le dire Michel Leduc, mais il était un excellent expérimentaliste. C'était quelqu'un qui était royaliste, c'était quelqu'un qui était extrêmement catholique, on dirait intégriste maintenant. Et au moment des 100 jours, il a pris position contre l'empereur. Il a été arrêté, il a été emmené chez sa mère à Bathieu en état d'arrestation. Et lui, tuberculeux, avait voulu se dresser contre l'empereur. Mais alors, pour revenir à ces expérimentations, alors, Bernard Metz, parce que le temps passe. Il est à Mathieu, chez sa mère, à Caen, près de Caen, et il n'a rien pour faire les expériences. Et il imagine de faire des micromètres avec des cheveux et à la forge du village pour faire des expériences, pour regarder. Il envoie des lettres à Arago pour démontrer, effectivement, qu'il retrouve la diffraction dont il n'avait pas entendu parler, et il arrive à la calculer, à la mettre en évidence, et Arago, effectivement, là, va lire ses lettres à l'Académie des sciences, ce qui va faire un choc à l'intérieur de cette Académie des sciences newtonienne. Michel Leduc. C'est en 1815 qu'il envoie un manuscrit très célèbre à Arago pour décrire la théorie de la diffraction, qui explique parfaitement les franges qu'on voit quand on interpose un objet dans le trajet d'un faisceau lumineux, d'un objet obscur, les franges qui apparaissent sur l'écran autour et à l'intérieur de l'objet. Cette théorie, effectivement, ne plaît pas beaucoup aux savants français, et en particulier à Monsieur Poisson, qui avait été son professeur à l'école polytechnique, qui sont toujours très influencés par Newton, hein, qui était encore le dieu à l'époque et qui influençait les grands savants français. Mais Arago était persuadé que Fresnel avait vu juste, et Arago l'a beaucoup soutenu, et Arago a été à l'origine du concours que l'Académie des sciences a lancé pour essayer de voir cette concours pour quelle est la nature de la lumière, et Arago était président. Parce que le premier manuscrit qui est envoyé à l'Académie des sciences en 1815 est rejeté par l'Académie des sciences parce que je parle sous votre contrôle à l'un et à l'autre, hein, Bernard Metz, mais je crois qu'il manquait de précision, non ? Non, il n'est pas rejeté du tout, non. Il est lu par Arago comme mémoire de savant étranger à l'Académie des sciences. Donc, c'est simplement une communication. Mais à la suite de cette communication, comme l'a dit Michel Leduc, l'Académie décide de faire un concours. Voilà. Et un concours qui sera rendu en 1819, à qui expliquera les curieuses inflexions que subissent les rayons lumineux à proximité des obstacles. C'est rédigé en termes newtoniens et le jury est essentiellement newtonien. Il y a Laplace, le grand Laplace, il y a Poisson, il y a Biot, ils sont tous newtoniens, Il y a Gay-Lussac qui, lui, est pas tout à fait newtonien, mais il est neutre au départ. Et il y a Arago qui est le seul ondulationniste du jury. Et il y a deux réponses à la question. Une extrêmement développée qui est l'œuvre de Fresnel, dans laquelle il prend de front tous les arguments contre Newton en disant qu'il n'a rien compris. Et un autre qui est perdu et qui était très très léger. Donc effectivement, Fresnel va avoir le prix après que Poisson ait calculé que dans certaines conditions de diffraction, on devrait avoir après l'écran quelque chose qui serait comme si l'écran diffractant n'existe pas. Et là, Poisson, Fresnel et Arago font l'expérience et ils voient que les prédictions de Poisson sont vérifiées et donc on donne le prix à Fresnel. Ah, non, ce ne sont pas les prédictions de Poisson, puisque Poisson, justement, ne croyait pas qu'il pouvait exister un point brillant au centre de l'ombre. Ce que je veux dire, c'est que Poisson a pris les équations de Fresnel et il a détaillé un point paradoxal qui devait montrer que, effectivement, il devait y avoir un point brillant. C'est Poisson qui, en prenant les équations de Fresnel, a cru prendre ces équations en défaut. Et ils ont fait l'expérience et ils ont vu que... Oui, mais Poisson n'y croyait pas et il a pris cette affaire du point brillant au centre de l'ombre comme un argument pour dire que c'est impossible qu'on voit un point brillant au centre de l'ombre. Or, et que du coup, la théorie était fausse. Mais l'expérience a été faite par Arago lui-même et le point blanc est apparu et ça a été le triomphe de Fresnel. De Fresnel qui a donc obtenu ce prix en 1819. Alors, ils ont continué à s'affronter. Ils ont continué à s'affronter, mais le temps avance. Et, c'est en tout cas la première théorie ondulatoire de la lumière qui est ainsi posé, qui s'est étendu, qui s'est répandu tout au long du 19e jusqu'au début du 20e siècle. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous allez voir comment à partir de cette théorie ondulatoire, on peut et on a pu créer des mécanismes de retournement temporel. Oui, j'ai rencontré Mathias Fink qui est professeur à l'ESPCI Paris Tech et qui est le créateur de l'Institut Langevin, un institut entièrement dédié à l'étude des ondes sous toutes les coutures et dans toutes leurs applications possibles, notamment dans le domaine de l'imagerie. Mathias Fink et ses collègues ont créé ce qu'ils appellent des miroirs à retournement temporel, largement inspirés de la théorie de Huygens. Ces miroirs à retournement temporel permettent de faire revivre à une onde sa vie passée. Mathias Fink nous explique, avec une vidéo souriante qu'on va partager sur le fil Twitter de l'émission, comment fonctionnent ces miroirs et pourquoi les propositions des pères fondateurs de la théorie ondulatoire de la lumière vont bien au-delà des ondes lumineuses. Derrière ce grand principe sur la façon dont les ondes se propagent, on peut démontrer que les ondes se propagent dans un sens, dans le temps, mais qu'on peut aussi faire remonter le temps aux ondes, c'est-à-dire qu'on peut faire revivre à une onde sa vie passée. Et pour ça, il suffit d'exploiter astucieusement les ondelettes d'Huygens ou les ondelettes de Fresnel. Après avoir enregistré un front d'onde, on peut redonner l'impression de recréer une onde qui revient pas à pas vers l'objet qui lui a donné naissance. Et le principe de l'holographie est derrière ça, et le principe de ce que nous on appelle dans notre labo les miroirs à retournement temporel est derrière ça. Et ce principe des miroirs à retournement temporel, on l'a poussé dans notre labo pour les ondes acoustiques, les ondes électromagnétiques, pour obliger une onde à revivre sa vie passée, et on l'a exploité, il y a beaucoup d'applications pour la médecine et pour les télécommunications, des principes du renversement du temps des ondes. Et dernièrement, en travaillant sur les vagues à la surface de l'eau, avec mon collègue Emmanuel Faure et notre étudiant en thèse Vincent Bacot, on a eu une autre idée sur la façon de pouvoir faire revivre à une onde sa vie passée. En fait, c'est une expérience très jolie qu'on ne peut pas voir à la radio, mais qu'on peut voir au moins sur un film. Vous pouvez me la décrire, en tout cas. C'est une expérience très simple où vous avez une petite piscine pleine d'eau. Elle est petite, cette piscine. Elle fait quelques dizaines de centimètres. Et vous jetez un objet dans l'eau. C'est pas un caillou qui tombe, mais c'est un objet qui a une certaine forme. Dans le cas du film qu'on aime bien montrer, l'objet, c'est un smiley qui tombe dans l'eau. Et à partir du moment où l'objet tombe dans l'eau, il crée une onde. Et cette onde, c'est la somme de tas de petites ondelettes d'Huygens, et on les voit se propager, et on voit un front d'onde extrêmement compliqué, et une fois que le smiley est tombé, on voit des tas de rides à la surface de l'eau qui avancent. Toutes ces ondes qui se propagent dans l'eau, elles se propagent à une vitesse qui dépend de la gravité. Si la gravité est forte, si on est sur Jupiter ou sur la Lune, les ondes iront plus ou moins vite dans une bassine d'eau. Et ça, c'est un théorème connu depuis longtemps. C'est pas comme la lumière qui se propage dans le vide, elle se propage toujours à 300 000 km par seconde. Par contre, la lumière peut se propager dans des milieux où on peut changer sa vitesse. Mais l'expérience curieuse qu'on a faite sur l'eau, c'est qu'on laisse l'onde se propager à partir du smiley, et c'est un front d'onde extrêmement compliqué, et puis brusquement, on soulève verticalement, pendant un temps très bref, la bassine d'eau. Et en faisant ça, on change la gravité, parce que lorsque vous créez une accélération verticale, c'est comme si vous changez la gravité. On la change à toute allure et on la ramène après à sa valeur initiale. Et en faisant ça, on change brutalement la vitesse des ondes dans la bassine d'eau. Et ce changement ultra bref de la vitesse des ondes, qu'est-ce qu'il crée ? Il fait que les petites sources d'Huygens, au moment où on fait ce changement, créent non pas des ondes circulaires qui vont vers l'avant, mais créent des ondes circulaires qui vont dans les deux sens. Brusquement, qu'est-ce qu'on voit apparaître dans la bassine d'eau ? À partir de ce millimélo d'onde, on voit que, brusquement, on crée une onde qui revit sa vie passée. Et on voit, dans la bassine d'eau, l'onde revenir en marche arrière, et on voit se recréer l'objet qui a donné naissance à l'onde. Et dans notre cas, l'objet est un smiley. C'est vraiment fascinant, parce qu'on voit vraiment une espèce de fantôme de l'objet qui a créé l'onde. Oui, alors, les vagues à la surface de l'eau qui sont nées d'un objet qui leur a donné une certaine forme, ces vagues, on peut les obliger à rebrousser chemin et à recréer la forme de l'objet. Et on a l'impression que l'objet est là alors qu'il n'est plus là. Et c'est quelque chose d'assez puissant parce que ça montre comment, en poussant d'un cran plus loin le principe d'Huygens ou les ondes qu'on appelle les ondes de Fresnel-Huygens, en créant ce que nous on appelle dans notre équipe les ondes de Cauchy, parce que c'est un mathématicien français qui s'appelait Cauchy, qui a compris que on pouvait manipuler ce qui s'appelle les conditions initiales des ondes, on pouvait créer des ondelettes bizarroïdes qui font revivre à une onde sa vie passée. Aujourd'hui, c'est ce concept assez amusant qu'on appelle le concept de miroir instantané temporel a peut-être un intérêt en cosmologie. En cosmologie, on parle beaucoup d'un principe qui s'appelle le principe holographique pour essayer de comprendre un petit peu mieux l'univers. Et en cosmologie, on sait aussi que l'univers n'est pas statique, c'est un univers en expansion. Et quelque part, ça veut dire quand même que la façon dont les ondes se propagent au cours du temps se modifie avec l'expansion de l'univers. Et l'apparition de ces ondes retournées temporellement existe peut-être de façon naturelle dans l'univers, et elle joue peut-être un rôle dans la compréhension de ce que c'est que l'énergie noire qui fait que l'univers en expansion a tendance à accélérer son expansion par rapport à ce qu'on pensait. Et finalement, ce genre de manip très simple qu'on fait dans, non pas dans un verre d'eau, comme mon collègue Emmanuel Faure aime bien dire, mais plutôt dans une petite piscine, permettent de comprendre pas mal de choses sur les ondes. Et donc, il y a des aspects intéressants, il y a des applications potentielles intéressantes sur ces concepts. Et puis, c'est une autre façon de faire des images. C'est une façon qui généralise le principe de l'holographie, mais qui exploite non pas une holographie où on enregistre des ondes dans l'espace sur un plan, mais où à un instant donné, toute la répartition de lumière dans l'univers, si elle subit un choc brutal, permet de revoir l'objet et permet en fait de faire l'image de l'objet. Voilà ce reportage du jour sur ces ondelettes de Huygens. C'est une réaction à ce que vous venez d'entendre, Michel Leduc. Oui, les expériences de Matthias Fink sont magnifiques. Bon, elles ont énormément d'applications, hein, dans le domaine de la biologie, le domaine médical. Là, maintenant, ils s'attaquent à la cosmologie. Peut-être c'est un petit peu ambitieux, mais pourquoi pas. C'est absolument fascinant et c'est une confirmation parmi d'autres de la validité des théories de Fresnel. Bernard Metz. De lui, bien sûr. Oui, alors le virtuel a toujours été manié en optique, mais puisque Michel Leduc vient de revenir à Fresnel, peut-être la suite de l'histoire, eh bien, c'est que, on l'a indiqué, Newton prévoyait que la lumière allait moins vite dans l'eau que dans l'air, et Fresnel l'inverse. En 1849, à l'instigation d'Arago, Foucault et Fizeau ont mesuré la vitesse de la lumière dans l'eau et trouvé exactement les prédicats de Fresnel. Donc la théorie ondulatoire s'est imposée. Alors il y a des problèmes quand même, parce que cette théorie ondulatoire suppose, d'après Fresnel, des ondes transversales, et que des ondes transversales ne peuvent se transporter mécaniquement que dans le gelée visqueuse. Alors il faudrait que l'éther dans lequel la Terre circule soit analogue à la gelée visqueuse. Alors ça paraît encore une fois impossible, et on va s'en tirer en disant que l'éther, c'est Maxwell, est un être électromagnétique, et que lumière, électricité et magnétisme, c'est la même chose. Ça, c'était la grande unification. Hein. Là aussi, on en a parlé une heure entière. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. On avance parce qu'il ne reste malheureusement plus beaucoup de temps. Il faut avancer, avancer jusqu'au XXe siècle, parce que effectivement, ces travaux de Fresnel, cette théorie ondulatoire, eh bien, elle va irradier tout le monde de la physique. Mais néanmoins, avec ce retour un peu vers une pensée, en tout cas, une pensée duale, mais une pensée corpusculaire au début du XXe siècle, Michel Leduc. Oui, il y a eu une nouvelle révolution en fait au XXe siècle dans la théorie de la lumière, c'est la théorie quantique. Elle est apparue, les quantas sont apparus, la notion de quanta d'énergie est apparue avec Max Planck, qui a essayé d'interpréter, c'était un grand mathématicien, essayait d'interpréter le rayonnement du corps noir, c'est-à-dire le rayonnement que rayonne un corps chauffé, un four, par exemple, vous regardez la lumière qui sort, en fonction de la température, et pour interpréter ce rayonnement qui se déplace de plus en plus vers le bleu quand on chauffe de plus en plus, il a été obligé mathématiquement d'introduire des quantas d'énergie qu'il a appelé H nu, nu étant la fréquence, et H, une constante à qui on a donné le nom de constante de Planck. Mais il n'était pas extrêmement content de ça. Ces idées ont inspiré Einstein. Parce que... c'est à continuer. Non, on vient de se retrouver dans le noir, pour dire à nos auditeurs. Nous sommes plongés dans le noir, voilà. Mais pourquoi Einstein, pas, ça donne une petite atmosphère sympathique avec la lumière rouge du micro. Einstein a repris l'idée de quantum d'énergie pour interpréter l'effet photoélectrique. C'est-à-dire que quand vous bombardez un corps solide avec de la lumière, il émet un courant électrique. Et pour interpréter l'effet photoélectrique, il a fait appel à des quantas d'énergie de lumière qui ne s'appelaient pas photons à l'époque, c'était des quantums. Un mot, alors on n'a plus beaucoup de temps, Bernard Mette, mais un mot tout de même pour dire justement comment la mécanique quantique va, pendant qu'on essaye de rallumer la lumière dans ce studio, comment la mécanique quantique justement va à la fois prolonger la théorie ondulatoire de Fresnel, mais en même temps, bien évidemment, l'étendre à l'ensemble de la matière. Donc, on a donc une lumière qui a des aspects ondulatoires et des aspects corpusculaires. La lumière est revenue ici. C'est là où on retrouve d'abord Bohr, qui fait de la matière quelque chose qui est composé par des protons, un noyau positif et des électrons qui sont sur des niveaux d'énergie quantifiés autour de ce noyau, et qui ne peuvent faire, ces électrons, que des passages d'un niveau quantique à un autre niveau quantique. Planck dit, la maladie quantique a gagné la matière. Donc effectivement, lumière et matière sont quantifiées. Et c'est là où il y a l'intuition de Louis de Broglie qu'on avait passé au début de cette émission. La lumière, il y a des aspects ondulatoires, il y a des aspects corpusculaires. La matière, il n'y a que des aspects corpusculaires. Pour que la physique soit belle, de Broglie écrit des équations de telle manière que la matière soit aussi avec des aspects corpusculaires et ondulatoires. C'est la symphonie française, elle se trouve que de Broglie a raison, et donc la matière et la lumière ne sont ni ondes ni corpuscules, sont faits avec des quantons, et au dualisme de la mécanique classique succède un monisme de la mécanique quantique et de l'infiniment petit. Alors les quantons, c'est pas de Breuil qui émet cette terminologie. La théorie quantique de Bohr explique que les atomes qui ont des niveaux d'énergie absorbent de la lumière et réémettent de la lumière. Et il y a ceci se fait en deux étapes. Il y a d'abord une étape semi-classique avec Heisenberg et Schrödinger pour qui la lumière reste la lumière de Maxwell, hein. Les ondes électromagnétiques. Et puis ensuite arrive la théorie vraiment quantique avec Jordan, Dirac, Pauli, pour qui la lumière, ce qu'émet l'atome quand il se désexcite, après avoir été excité, ce sont des photons. Ce sont des particules, voilà. Ceci dit, la notion de photon... C'est-à-dire quand un électron redescend d'un niveau d'excitation, voilà. Il émet un photon. Mais le mot photon ne date pas d'Einstein. Hein. Non, bien sûr. Il date de 1926, je crois. Et l'existence vraiment du photon a été longtemps contestée et elle n'a été établie de façon définitive qu'en 1977 avec les géniales expériences de Kimball et Mandel qui ont montré que le photon existait vraiment à partir d'une expérience très simple où il partait d'une source extrêmement atténuée, presque de photon unique. Il la faisait traverser, cette source de lumière traversait une lame semi-transparente avec une partie qui allait tout droit, une partie qui était renvoyée à 90 degrés et deux détecteurs à chaque bout. Et il faisait des coïncidences entre ces signaux qui arrivaient sur les détecteurs et quand le délai était nul, eh bien si c'était des photons, comme ils ne pouvaient pas aller des deux côtés à la fois, ils devaient trouver zéro, et si c'était une onde, elle pouvait se couper en deux et ils trouvaient un signal. Donc comme ils ont trouvé zéro, c'était la preuve par neuf que la lumière était bien photon. Un mot peut-être de conclusion rapide justement sur cette notion de quanton aujourd'hui qui est proposée, hein, Bernard Maître, pour bien dire que pour le moment c'est quelque chose qui est encore sous forme de proposition, c'est-à-dire de dire que pour justement sortir de cette dualité onde-corpuscule et bien comprendre que toute forme d'énergie, toute forme de matière est aujourd'hui dispose de ces deux propriétés intrinsèques. Oui, bien sûr. La matière, c'est finalement un noyau, des protons et des neutrons, des électrons, et protons, électrons et neutrons ont des masses, et la matière, c'est aussi ce qui fait tenir ensemble protons et électrons, c'est le champ électromagnétique, c'est le photon, et donc le photon est aussi matériel que l'électron, alors que le photon n'a pas de masse. C'est toute la notion de matière et de lumière qu'il faut reconsidérer, mais la physique progresse. La physique interroge et nous ne savons pas non plus unifier la quantique et la relativité générale dont on n'a pas parlé, et ça c'est des perspectives d'avenir. On en a parlé avant-hier et on en reparlera bien sûr. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus nous parler de la lumière dans cette émission où nous avons perdu la lumière avant de la retrouver. J'espère qu'il en est de même chez vous. Merci Michel Leduc, merci Bernard Maître. Je rappelle qu'on peut vous lire Une histoire de la lumière de Platon au photon, c'est aux éditions du Seuil. Merci à nos camarades de France Bleu Nord pour le duplex. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, c'était Jean-Guilain Meige à la réalisation, à la technique, et Émilie Vallat à la réalisation aujourd'hui. Demain, c'est un vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. Il sera notamment question d'exploitation des ressources spatiales, de météo solaire et d'une nouvelle espèce d'organisme unicellulaire. On en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.